du bien, le vieux Blocus. Ce n'est la faute de personne. Le grand cercle de la vie a commencé à tourner. Et tu